Chapitre 11. Une semaine plus tard, le U-boat dérivait toujours, porté par le courant mystérieux. C'était une coulée glaciale qui semblait provenir de la fonte d'une banquise. Lorsqu'on y trempait la main, le froid vous piquait les doigts avec l'agressivité d'un lac pris par le gel. Weser avait fait mettre les moteurs en panne et ordonné aux hommes d'entreprendre des réparations. Cette activité, si elle n'engendrait pas de résultats notables, avait le mérite de les occuper. « Nous nous éloignons de la côte, » confia-t-il à Ziegfeld. « Si le voyage dure trop longtemps, nous nous retrouverons à court d'eau potable et de vivres. »« On ne peut pas lancer des lignes ? Essayer de pêcher ?»« Non, l'eau qui nous porte est trop froide, les poissons l'évitent. » Au vrai, la violence du courant était effarante. Il se frayait un chemin au milieu des vagues avec l'entêtement rageur d'un torrent de montagne. Rien ne pouvait échapper à son emprise. Un jour, pour tenter une expérience, trois matelots mouillèrent un canot gonflable et tentèrent de s'éloigner du submersible à grands coups de pagaie. Ils frappaient l'eau en cadence, les muscles noués, persuadés qu'en joignant leurs forces, ils réussiraient à vaincre les maléfices du stream. Ils durent déchanter. Le flot glacé les rabattit contre la coque, les plaquant sur la paroi du ballast. Ils comprirent que si l'un d'eux tombait par-dessus bord, il serait impitoyablement aspiré. Il fallut se résoudre à l'attente. Une deuxième semaine s'écoula. Le ciel couvert ne permettait plus de faire le point. Il fallut diminuer les rations d'eau et de nourriture. La grogne et l'inquiétude augmentèrent. Les moteurs étaient trop endommagés pour qu'on puisse espérer les réparer sans pièces de rechange. La mort dans l'âme, Weser ordonna aux radios d'émettre un message de détresse codé. Cette initiative avait surtout pour but de redonner de l'espoir aux matelots. En ce qu'il concernait, il n'y croyait guère. Les probabilités qu'un autre U-boat croisât dans les parages avoisinaient le zéro. En outre, depuis le début de l'étrange dérive, on ne captait plus rien. Chaque fois que le radio branchait le récepteur, le haut-parleur déversait un bruit blanc, une espèce de crachotis continu sans interférence, qui donnait à l'auditeur l'impression d'être le seul survivant d'une catastrophe planétaire. Amy et Sharon commençaient à souffrir de la faim et du manque d'eau potable. La fillette dormait beaucoup. La jeune femme, elle, sortait de temps à autre sur le pont, quoique le capitaine lui eût recommandé de se faire voir le moins possible. « Vous comprenez, » avait-il murmuré, le regard fuyant. « L'inactivité, une femme à bord, ce n'est pas bon pour les hommes. » Ça peut leur donner de mauvaises pensées. Amy comprenait, mais l'enfermement lui pesait. Elle était en train de devenir claustrophobe. Elle se sentait sale. Elle aurait donné n'importe quoi pour un séjour d'une heure dans une salle de bain bien équipée. Comble de malchance, il ne pleuvait pas. On avait préparé des toiles huilées dans l'espoir de récupérer l'eau des averses tropicales, mais les dites averses se faisaient attendre. C'était à croire que la création tout entière conspirait contre le U-boat. Il fallut encore diminuer les rations. Amy réalisa qu'elle avait maigri. Sur le torse de Sharon, les côtes saillaient. « On va mourir ?» lui demanda la fillette avec un stoïcisme étonnant chez quelqu'un de son âge. « Je n'en sais rien, » avoua Amy, décidée à ne pas lui mentir. L'eau de mer a gâté les provisions. Le réservoir d'eau potable a été troué lors du mitraillage. Et aucun poisson ne daigne venir folâtrer à portée de ligne. C'est vrai que le tableau est plutôt sombre. Tu crois qu'ils vont nous dévorer ? Qui ? Les marins ? J'ai lu des histoires là-dessus. Ils commencent toujours par les plus jeunes, et par les femmes, parce que leur chair est tendre. Amy savait que toutes les conditions se trouvaient réunies pour qu'un acte de barbarie se produise à brève échéance. Les matelots devenaient de plus en plus nerveux. Quand il lui arrivait de se déplacer à l'intérieur du vaisseau, les regards des hommes s'attachaient à ses mouvements, détaillaient ses seins sous la chemise pourtant ample dont elle était enveloppée. L'oisiveté et la peur transformaient les marins en chiens méchants. Pour l'heure, ils se contentaient d'aboyer. Ils ne tarderaient plus à mordre. Comme si la sensation de claustrophobie accablant chacun n'était pas assez forte, le sous-marin entra dans une nappe de brouillard au sein de laquelle il dériva 3 jours pleins. la brume installa une atmosphère fantasmagorique propre à échauffer les esprits. Un matelot d'une vingtaine d'années crut voir s'y déplacer des ombres gigantesques. On parla de vaisseaux fantômes, du Hollandais volant. Toutes les vieilles légendes que se plaisent à colporter les gens de la mer refirent surface. Quelque chose rôdait dans le brouillard, c'était certain. Un serpent de mer, un des reliques, comme disaient les Anglais, qui éperonnerait le U-boat, le coupant en deux. On scrutait les volutes cotonneuses, guettant le couperet de l'étrave rouillée qui n'allait pas manquer de surgir. Enfin, alors que la folie s'installait à bord, le brouillard se dissipa et l'île apparut.